Alléluia. Alléluia. I want to look at something more. J'aimerais voir à quelque chose de plus. Let us look at the bridegroom. Regardons à l'époux. That is coming. Qu'il vient. Before we look at this external supply. Avant qu'on regarde à ce supplément extérieur. Of support. De support. That only the wise virgins had. Que seules les vierges sages ont. How about the bridegroom? We hear he has been announced. Que diriez-vous de l'époux dont on a entendu qu'il a été annoncé? He is coming. Il vient. What do we know about the bridegroom? Qu'est-ce que vous savez à propos de l'époux? Number one, just to clear the air, to make sure we are on the same page. Numéro un, juste pour éclairer l'air, pour savoir qu'on est tous à la même page. The bridegroom comes in the darkness of the night. L'époux vient dans l'obscurité de la nuit. Alléluia. Alléluia. He does not come in the light. Il ne vient pas dans la lumière. Which means it was so critical. Qui signifie que c'était si important. For the 10 virgins to have stepped out of the church. Pour les 10 vierges de sortir de l'église. Out of the house. Sortir de la maison. To go into the darkness. Pour aller dans les ténèbres. Because that is where the bridegroom is coming into. C'est là, dans ces ténèbres, que l'époux vient. Alléluia. Alléluia. To pick his bride. Pour prendre son épouse. Number two. Numéro deux. There is a midnight cry. Il y a un cri de minuit. That announces the coming of the bridegroom. Qui annonce la venue de l'époux. He comes and he takes only the virgins. Il vient et il prend seules les vierges. That have the oil. Qui ont de l'huile. That means. Ça signifie. The coming of the bridegroom. La venue de l'époux. To pick his bride. Pour prendre son épouse. Is related to the oil. C'est en relation avec l'huile. Because the book of Revelation. Parce que le livre de l'Apocalypse. Chapter 19. Chapitre 19. Verses 7 to verse 9 says. Verset 7 à 9 dit. The entire heaven said, le ciel entier dit, let us rejoice, soyons dans l'allégresse, and be glad, et réjouissons-nous, for the wedding of the Lamb has come. Car les noces de l'agneau sont venues. Why? For his bride has made herself ready. Pourquoi? Parce que son épouse s'est préparée. But now we are seeing that the only way the bride would have made herself ready. Mais maintenant, nous avons vu que la seule manière pour laquelle l'épouse s'est faite elle-même prête, is if she had the anointing oil. C'est si elle a l'huile d'onction. She had the Holy Spirit. Si elle a le Saint-Esprit. So it means the coming of the bridegroom. Ce qui signifie que la venue de l'époux is directly related est directement reliée to the availability of the Holy Spirit. À la disponibilité du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. So we have seen very clearly that when the Lord Jesus. Alors nous avons vu très clairement que quand le Seigneur Jésus gave the parable of the 10 virgins, a donné la parabole des 10 vierges, who went out to wait on the bridegroom, qui sont sortis pour attendre l'époux, and 5 of them being foolish, et 5 d'entre elles étaient folles, and the other 5 being wise, et les autres 5 étaient sages. It was a very deep conversation. C'était une conversation très profonde that Jesus was having with the church. Que le Seigneur avait eue avec l'Église. But inside the depth of that conversation, mais à l'intérieur de la profondeur de cette conversation, was a very important secret. Il y avait un secret très important. Because inside that conversation, parce que à l'intérieur de cette conversation, it is very, very important, extremely important. C'est très, très important, c'est extrêmement important that the church elucidates, unveils, que l'Église élucide, dévoile. The church opens up. L'Église révèle the identity of the church, l'identité de l'Église, that does not enter the rapture, qui ne sera pas enlevée. In that way, the church will be able to know, de cette manière, l'Église sera capable de savoir, by inference, by conclusion, par déduction, par conclusion, leur identité, leur caractère, and the spiritual trait, et les traits spirituels, the spiritual image, et l'image spirituelle of the perfect bride of Christ, de la parfaite épouse de Christ, that is symbolized, qui symbolise by the five wise virgins, par les cinq vierges sages, the bride that enters the wedding banquet, l'épouse qui va entrer dans le banquet de mariage, the bride that enters into the wedding supper of the Lamb of God, l'épouse qui entre dans le festin de noces de l'agneau de Dieu. Now I want to look at another level of unraveling. J'aimerais qu'on arrive à un autre niveau d'un démêlé, which essentially means opening up deeper, qui essentiellement signifie révéler plus profondément. What was typical? What is the character? Qu'est-ce qui était typique? Qu'est-ce est le caractère that is common, qui est commun, to the five foolish virgins, aux cinq vierges folles? Because it's amazing to me, et ça m'étonne, that no one can afford to read this parable, que personne peut se permettre de lire cette parabole, just like one reads a storybook, juste comme quelqu'un lit une histoire dans un livre. Because it's amazing to me, parce que ça m'étonne, that the ten virgins, que les dix vierges, all of them are separated from the rest, from the church and the world, toutes sont séparées du reste, de l'église, du monde, which means they have received revelation, ce qui signifie qu'elles ont reçu une révélation. They have also received revelation that the wedding of the Lamb of God is near. Elles ont aussi reçu la révélation que le mariage de l'agneau de Dieu est prêt. So that is commemorated. Alors ça commémore by their being able to step out, par leur capacité à être sortis into the darkness, dans les ténèbres, which means to go take up the commission for the last days to evangelize more. Ça signifie d'aller, de prendre le mandat d'évangéliser plus pour les derniers jours, to be the light of the dying world, d'être la lumière du monde qui périt, the lost souls, the light of the world, de ceux qui sont perdus, la lumière du monde. They are even able to hear the voice of the archangel announcing. Elles sont même capables d'entendre la voix de l'archange annonçant, announcing the mighty coming of the Lord, la puissante venue du Seigneur. Alléluia. Alléluia. At the same time, et dans le même temps, the five foolish virgins are not able to enter the kingdom of God. Les cinq vierges folles sont pas capables d'entrer dans le royaume de Dieu. So, to me, it is very interesting to know what is it about them. Pour moi, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en est d'elles. That was not clean into the kingdom of God. Qui n'était pas clair pour entrer dans le royaume de Dieu. Because we see a church, parce que nous voyons une église, this last church, cette dernière église, we see so much similarity, on voit tellement de similarités in this church, dans cette église, of the five foolish virgins, des cinq vierges folles. If it's Holy Spirit, they say they are in field, si c'est du Saint-Esprit qu'elles disent qu'elles sont remplies, they dance in the Holy Ghost, elles dansent dans le Saint-Esprit, they speak in tongues, elles parlent en langue, they do things, elles font des choses, but are they able, mais sont-elles capables, to, in the final moments, enter through the gates of heaven, dans le moment final d'entrer dans la porte du ciel. We also see a generic blanket statement that is being spoken. Nous voyons aussi une déclaration générique couverte qui a été dite in different churches, dans différentes églises, that when you enter through that door, that que quand vous entrez à travers cette porte, you receive the Lord, that's it, you've entered the kingdom of God. Vous recevez le Seigneur et ça c'est, vous entrez dans le royaume de Dieu. And yet here we now see. Et maintenant ici, nous voyons. That there is a further screening process. Qu'il y a un procédé de filtrage additionnel. For the remnant. Pour le restant. And that is the remnant that stepped out. Et c'est le restant qui sort. Very much aware that the rapture is near. Très au courant que l'enlèvement est proche. And he said, five out of ten of them. Et il a dit, 5 parmi les 10. Make up the remnant bride of Christ, which means 50%. Forme l'épouse restante de Christ, ce qui signifie le 50%. Of that remnant finally enters. De ce restant finalement entre. So we are talking about. Aussi, nous sommes en train de parler. The remnant of the remnant. Le restant du restant. Alléluia. Alléluia. I want to look further. J'aimerais voir plus loin. Who are the foolish virgins? There are a few things I want to bring to you. Qui sont les vierges folles? Il y a quelque chose que j'aimerais vous apporter. Would you bring it to another level? Je vais vous amener à un autre niveau. Number one, the first thing we know about them. Numéro un, la première chose que nous savons à propos d'elles. Is that in the beginning? C'est que au début. All the ten lamps had the initial amount of oil. Toutes les 10 lampes avaient un montant initial d'huile. Alléluia. Alléluia. And even as we proceed, et même comme nous poursuivons, you will begin to realize we are answering the questions I raised in the beginning. Nous commencerons à comprendre que nous allons répondre aux questions que j'ai mis en évidence au début. Who are these virgins? Qui sont ces vierges? Are they those who have refused the Holy Spirit? Are they the Jews? Sont-elles celles qui ont refusé le Saint-Esprit? Est-ce que ce sont les Juifs? Are they the Pharisees that refused the covenant of grace? Est-ce que ce sont les pharisiens qui ont refusé l'alliance de grâce? Which brings the Holy Spirit? Qui apporte le Saint-Esprit? Are they the church that did not receive the Holy Spirit? Est-ce que ce sont les églises qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Are they the world that is not born again? Est-ce que c'est le monde qui n'est pas né de nouveau? Who are these people? Qui sont ces gens? But from the beginning, you see very clearly. Mais depuis le début, nous voyons très clairement. That all, you see essentially. Que toutes, vous voyez essentiellement. That all the ten virgins. Que toutes les 10 vierges took up their lamps, prennent leurs lampes, and their lamps were lit. Et les lampes étaient allumées. And that tells you, et ça vous dit, that there was a minimal basal level, qu'il y a un niveau de base minimum, original level, the beginning level, un niveau original, un niveau du commencement, of anointing oil, d'une huile ointe, in all the ten lamps, dans les 10 lampes. Alléluia. Alléluia. And that also tells you that all the lamps, et ça vous dit aussi que toutes les lampes, were capable of being lit by the Lord, étaient capables d'être allumées par le Seigneur, in the beginning, au commencement. These are things that you cannot pick up if you read this parable as a story. Ça, vous ne pouvez pas le saisir si vous lisez cette parabole comme une histoire. And we cannot read this parable as a story. Et nous ne pouvons pas lire cette parabole comme une histoire. Because we know that our Lord Jesus. Parce que nous savons que notre Seigneur Jésus. He is the beginning and the end of all wisdom. Et le début et la fin de toute sagesse. And if he spoke in parable, et s'il a parlé en parabole, it's even deeper. C'est même plus profond. So we need a lot of help from the Holy Spirit. Alors nous avons besoin de beaucoup d'aide du Saint-Esprit. So we can understand. Pour que nous puissions comprendre. Again. Encore. You see very clearly that all the lamps. Vous voyez très clairement que toutes les lampes had an initial level of oil in the beginning. Ont eu un niveau initial pour toutes au commencement. All the ten lamps. toutes les 10 lampes. 5 for the foolish virgins. 5 pour les vierges folles. 5 for the wise virgins. 5 pour les vierges sages. Number 2. Numéro 2. We also see. Nous voyons aussi. That all the lamps were able to be lit, were capable of being lit. Que toutes les lampes étaient capables d'être allumées, étaient capables de brûler. Number 3. Numéro 3. We also see that all the lamps. Nous voyons aussi que toutes les lampes. At that time. En ce moment. As they were lit. Comme elles étaient allumées. Were taken out and capable of burning. Étaient prises dehors et capables de brûler. From the time the waiting process began. Depuis le temps où l'attente, le procédé d'attente a commencé. To the midnight hour. Jusqu'à l'heure de minuit. It is only when the midnight hour was approaching. C'est seulement au moment où l'heure de minuit était en train d'approcher. That finally all the lamps. Que finalement toutes les lampes. Were beginning to burn out. Étaient en train de devenir faibles. Fade out. De disparaître. And to go low. Et d'être toujours plus faible. Alléluia. Alléluia. That tells you. Ça vous dit. That there is a basic level. Qu'il y a un niveau de base. Of anointing of the Holy Spirit. D'onction du Saint-Esprit. In fact, this is what the Lord is saying. En fait, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. That every single person that was created, que chaque personne qui a été créée, and walking onto this planet Earth, et qui marche sur cette planète Terre, has the initial capacity, a une capacité initiale, the initial capability, l'aptitude initiale, to recognize, de reconnaître, that Jesus is Lord. Que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Because it is that initial capacity. Parce que c'est cette initiale capacité. That initial anointing. Cette initiale onction. Which the Lord imprinted in our lives. Que le Seigneur a imprimé dans nos vies. It is that anointing. C'est cette onction. That the Lord prophesied. Que le Seigneur a prophétisé. In the book of Genesis chapter 1. Dans le livre de Genèse chapitre 1. Verse 26. Le verset 26. When he said. Quand il dit. Let us make man in our image and likeness. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Alléluia. Let me give you an example here. Laissez-moi vous donner un exemple ici. It is like a father and a son. C'est comme un père et un fils. Separating for many, many years. Let's say the father travels to another country. Séparé pour beaucoup, beaucoup d'années. Disons que le père était en train de voyager dans d'autres contrées. And many of his features may change in the physical. Et beaucoup de ses caractéristiques peuvent changer dans le physique. His dressing may change. Son habillement peut changer. He might be wearing a beard by the time he comes back. Il peut avoir eu une barbe pendant le temps qu'il revient. And the day he arrives at the airport. Et le jour où il arrive à l'aéroport. And his son comes to meet him at the airport. Et son fils vient pour le rencontrer à l'aéroport. However many changes may have taken place in the lives of the two, the father and the son. Quel que soit le nombre de changements qui peuvent avoir pris place dans la vie des deux, le père et le fils. The father is still always able to pick up and say, "This is my son." Le père est toujours capable de dire, "Ça, c'est mon fils." Alléluia. Alléluia. And the son. Et le fils. Is always able to look at this man that is walking towards other people and say, "I think this is my father." Est toujours capable de regarder à cet homme qui marche parmi d'autres gens et dit, "Je pense que ça c'est mon père." Which means the Lord, when He created man, Ce qui signifie que le Seigneur, quand il a créé l'homme, and he said, let us make man in our image and likeness, et qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, it was a spiritual imprint. C'était comme un sceau spirituel. He imprinted into the spirit of the man, imprimant dans l'esprit de l'homme, the capability for the man to realize, la capacité pour l'homme de réaliser and recognize his creator, et reconnaître son créateur. Alléluia. Alléluia. In which process, un procédé dans lequel he's talking about the ability of man to realize, il est en train de parler à propos de l'habilité de l'homme de réaliser and be able to say, et d'être capable de dire that Jesus is Lord, que Jésus est Seigneur. It does not matter what religion they are, peu importe de quelle religion ils sont, it does not matter whether they have no religion, they are atheists, peu importe s'ils n'ont pas de religion, qu'ils sont athées, but when you say, Jesus is Lord, mais quand vous dites Jésus est Seigneur, deep inside their souls, très profondément dans l'âme, they will know that Jesus is Lord. Ils veulent savoir que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Let me bring you to another level. Laissez-moi vous emmener sur un autre niveau. That's why it's very common to hear and see. C'est pourquoi c'est très commun d'entendre et de voir that people may go striving all over the world looking for wealth, que des gens peuvent aller s'efforçant partout dans le monde recherchant la richesse, accumulate as much wealth as they want, accumulant autant de richesses qu'ils veulent, accumulate as much property as they have, accumulant aussi autant de propriétés qu'ils peuvent avoir, but finally, mais finalement you still see that in their lives, vous voyez encore que dans leur vie, they are complaining of some void. Ils se plaignent d'être vides. So despite all this accomplishment, alors, malgré les accomplissements, they still feel that there is an empty space, a void in their lives. Ils sentent encore qu'ils ont un espace vide, un vide dans leur vie. That only the salvation of our Lord Jesus, que seul le salut de notre Seigneur Jésus can fulfill, peut remplir. So that tells you, alors ça vous dit that in the beginning, que au commencement, every single person is endowed, chaque personne est munie, is equipped, est équipée, with the most minimum level of the anointing of the Holy Spirit, avec le plus petit niveau de l'onction du Saint-Esprit, that will allow them in the spirit, ce qui veut leur permettre dans l'esprit, to recognize, de reconnaître, that Jesus is Lord, que Jésus est Seigneur. And it is that anointing, et c'est cette onction, that makes them be able, qui les fait être capables, to recognize Jesus is Lord, de reconnaître Jésus en tant que Seigneur. And then give their lives to Jesus. Et ensuite, de donner leur vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. So they are born again. Alors, ils sont nés de nouveau. And their lamps are lit. Et leurs lampes sont allumées. Alléluia. Alléluia. Let me take you further through scripture. Laissez-moi vous amener à travers les Écritures, auditeurs. And this is going to be very deep. Et ça va être très profond. We'll look at the life of John the Baptist. Nous voulons regarder à la lumière de Jean-Baptiste. The book of Luke, chapter 1, l'évangile de Luc, chapitre 1, verse 15. Le verset 15. Just to help you understand what I'm talking about, Luke chapter 1, verse 15. Look at what it says here. Juste pour vous aider à comprendre ce dont il est parlé, regardez le chapitre 15. When the Lord was speaking to Zechariah about the birth of John the Baptist, quand le Seigneur était en train de parler à Zacharie à propos de Jean-Baptiste, he said, il a dit, for he will be great in the sight of the Lord, car il sera grand devant le Seigneur. He is never to take wine, il ne boira ni vin, or other fermented drink, ni liqueur enivrante. And he will be filled with the Holy Spirit. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Even from birth. Dès le sein de sa mère. Alléluia. Alléluia. That tells you that God has the capability. Ça vous dit que Dieu a la capacité. And he has a blueprint. Et il a un sceau. He has a plan for man. Il a un plan pour les hommes. In which is able. Dans lequel il est capable. To anoint every single person. De oindre chaque personne. With the minimum level of the Holy Spirit. Avec le niveau minimum du Saint-Esprit. So they can recognize him. Alors ils peuvent le reconnaître. Recognize Christ, the Son of the living God. Reconnaître Christ, le Fils du Dieu vivant. And after recognizing him, et après l'avoir reconnu, give him their lives, lui donner leur vie. In other words, receive salvation, en d'autres mots, recevoir le salut, and have their lamps lit, et avoir leurs lampes allumées. The lamps lit. Les lampes allumées. And that is essentially what happened to all the 10 virgins. Et ça c'est ce qui est arrivé essentiellement à toutes les 10 vierges. That's why all the 10 lamps. C'est pourquoi toutes les 10 lampes were able to be lit. Étaient capables d'être allumées. Hallelujah. Alléluia. There must have been an initial level of oil. Elles doivent avoir eu un niveau d'huile initial. In them. En elles. A level that was able to take them even up to a given length in the waiting process. Un niveau qui était capable de les garder même jusqu'à une longueur donnée dans le procédé d'attente. But then what happens at the end? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Let me take it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. Still talking about the initial level of anointing. Encore parlant du niveau initial de l'onction. The book of Matthew chapter 16. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. I'm reading verses 13 to 20. Je suis en train de lire le chapitre 13 jusqu'à 20. So you may understand what the Holy Spirit is saying. Alors vous pouvez comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Matthew 16, 13 to 20. Look at what it says here. Matthieu 16, verset 13. Regardez ce qu'il dit ici. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, quand Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, he asked his disciples, il demanda à ses disciples, who do people say the Son of Man is? Qui suis-je, ose dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Alléluia. Alléluia. They replied, ils répondirent, some say John the Baptist. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Others say Elijah. Les autres, Élie. And still others, Jeremiah. Les autres, Jérémie. Or one of the prophets. Ou l'un des prophètes. But what about you? Et vous? Jesus asked. Leur dit-il. Who do you say I am? Qui dites-vous que je suis? Verse 16 of Matthew 16. Verset 16 de Matthieu 16. Simon Peter answered, Simon Pierre répondit, you are Christ, the Son of the living God. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Verse 17 of Matthew 16. Verset 17 de Matthieu 16. Jesus replied, Jésus, reprenant la parole, lui dit, blessed are you, Simon, son of Jonah. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. For this was not revealed to you by man. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. But by my Father in heaven. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. At a time when he had not poured the Holy Spirit in the Pentecost. À ce temps où il n'avait pas déversé le Saint-Esprit comme à la Pentecôte, he had not gone up, so the Spirit may be released. Il n'est pas monté au ciel, alors l'Esprit peut être délivré. You can see that there was a level of anointing of the Holy Spirit. Vous voyez qu'il y a un niveau d'onction du Saint-Esprit that came to Peter, qui est venu sur Pierre. So Peter could say, alors Pierre a pu dire, you are Christ, the Son of the living God. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Recognize him. Le reconnaissant. Look at what he says here. Regardez ce qu'il dit ici. He says, that does not come from the world. Il dit, ça ne vient pas du monde. Only the Father must have imprinted that in your spirit. Seul le Père doit avoir imprimé ceci dans ton esprit. So you can recognize, alors tu peux reconnaître, that I am Christ, the Son of the living God. Que je suis Christ, le Fils du Dieu vivant. Look at what it says, verse 18. Regardez ce qu'il dit au verset 18. And I tell you that you are Peter, et moi, je te dis que tu es Pierre. And on this rock, et que sur ce roc, I'll build my church, je bâtirai mon église. For the gates of Hades will not overcome it, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. And whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Listen to this precious viewers. Écoutez ça, précieux auditeurs. Peter is able to use the wisdom, the minimal wisdom. Pierre est capable d'utiliser la sagesse, le minimum de sagesse. The basal level. Le niveau de base. The little amount that everybody is endowed with. La petite quantité dont chacun est muni. He is able to use that level of the anointing of the Holy Spirit. Il est capable d'utiliser cette onction du Saint-Esprit to recognize, pour reconnaître, that surely Jesus, que très sûrement Jésus, he is Christ, the Son of the living God, est Christ, le Fils du Dieu vivant. And that is the level of anointing, ça c'est le niveau d'onction, that all human beings, the 6 billion plus on earth, que tous les êtres humains, les 6 milliards et plus sur la terre, have been gifted with, ont été doués avec, during creation, pendant la création, that they may be able to recognize Jesus as being Christ, the Son of the living God, pour qu'ils puissent être capables de reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu vivant, and then surrender their lives, and then be born again, et ensuite renoncer à leur vie et être né de nouveau. Receive the salvation of the Lord. Recevoir le salut du Seigneur. And look at what Jesus says after that. Et regardez ce que Jésus dit après cela. He says, il dit, therefore, on this rock, I'll build my church. What did he mean by that? Donc, sur ce roc, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il pense par ceci? His church, son église, is his perfect bride. C'est son église, son épouse parfaite. Alléluia. Alléluia. He didn't mean a church that will collapse and not go into heaven. Il ne pensait pas à une église qui va s'effondrer et qui n'ira pas au ciel. He didn't mean a church that will wait with their candles. Il ne pensait pas à une église qui attend avec ses bougies. With their lamps burning. Avec les lampes allumées. And when the midnight hour comes, they fail to enter. Et quand l'heure de minuit arrive, elle manque l'entrée. He talked about the five wise virgins. Il parle à propos des cinq vierges sages. Alléluia. Alléluia.